petites misères de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. 10e épisode. Faire four. Caroline est revenue un soir de chez Madame Foulepointe dans un état violent de jalousie et d'ambition. Madame Foulepointe, la lionne, ce mot exige une explication. C'est le néologisme à la mode. Il faut l'employer pour se faire comprendre quand on veut dire une femme à la mode. Cette lionne, donc, monte à cheval tous les jours. Et Caroline s'est mise en tête d'apprendre l'équitation. Remarquez que dans cette phase conjugale, Adolphe et Caroline sont dans cette saison que nous avons nommée le 18 brumaire des ménages, ou qu'ils se sont déjà fait deux ou trois dernières querelles. Adolphe, veux-tu me faire plaisir ? Toujours. Tu me refuseras. Mais si ce que tu me demandes est possible, je suis prêt. Ah déjà. Voilà bien le mot d'Amarie. Si. Voyons. Je voudrais apprendre à monter à cheval. Mais, Caroline, est-ce possible ? Caroline tente d'essuyer une larme sèche. Écoute-moi, puis-je te laisser aller seule au manège ? Puis-je t'y accompagner au milieu des tracas que me donnent en ce moment les affaires ? Qu'as-tu donc ? Je te donne, il me semble, des raisons péremptoires. Adolphe aperçoit une écurie à louer, l'achat d'un poney, l'introduction au logis d'un groom et d'un cheval de domestique, tous les ennuis de la lionnerie femelle. Quand on donne à une femme des raisons, au lieu de lui donner ce qu'elle veut, peu d'hommes ont osé descendre au fond de ce petit gouffre appelé le cœur pour y mesurer la force de la tempête qui s'y fait subitement. Des raisons ? Mais si vous en voulez, en voici. Je suis votre femme. Vous ne vous souciez plus de me plaire. Et la dépense, donc, vous vous trompez bien en ceci, mon ami. Les femmes ont autant d'inflexions de voix pour prononcer ces mots, mon ami, que les Italiens en ont trouvé pour dire amico. J'en ai compté 29, qui n'expriment encore que les différents degrés de la haine. Tu verras, je serai malade. Et vous paierez à l'apothicaire et au médecin ce que vous aurez coûté le cheval. Je serai chez moi à Claquemurée, et c'est tout ce que vous voulez. Je m'y attendais. Je vous ai demandé cette permission, sûre d'un refus. Je voulais uniquement savoir comment vous vous y prendriez pour le faire. Mais, Caroline... Me laisser seule au manège ? Mais est-ce une raison ? Ne puis-je y aller avec Madame de Fichtaminel ? Mais, Caroline... Je suis enchantée de votre sollicitude. Vous tenez beaucoup trop à moi, vraiment. Monsieur de Fichtaminel a plus de confiance en sa femme que vous en la vôtre. Il ne l'y accompagne pas, lui. Peut-être est-ce à cause de cette confiance que vous ne voulez pas me voir au manège, où je puis être témoin du vôtre avec la Fichtaminel. Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles et qui ne trouve pas de mer où se jeter. Quand Caroline est dans sa chambre, elle continue toujours. Tu vois que si des raisons pouvaient me rendre la santé, m'empêcher de souhaiter un exercice que la nature m'indique, je ne manquerai pas de raisons à me donner, que je connais toutes les raisons à donner et que je me les suis données avant de te parler. Madame boude et boude si sauvagement qu'Adolphe est forcé de s'en apercevoir sous peine d'être minotaurisé. Car tout est fini, sachez-le bien, entre deux êtres mariés par monsieur le maire lorsque l'un d'eux ne s'aperçoit plus de la bouderie de l'autre. Axiome. Une bouderie rentrée est un poison mortel. C'est pour éviter ce suicide de l'amour que notre ingénieuse France inventa les boudoirs. Ce drame conjugal a trois actes. L'acte du prologue... Il est joué. Vient l'acte de la fausse coquetterie. C'est un de ceux où les Françaises ont le plus de succès. Adolphe vague par la chambre en se déshabillant. Et pour un homme, se déshabiller, c'est devenir excessivement faible. Certes, à tout homme de 40 ans, cet axiome paraîtra profondément juste. Les idées d'un homme qui n'a plus de bretelles ni de bottes ne sont plus celles d'un homme qui porte ces deux tyrans de notre esprit. Remarquez que ceci n'est un axiome que dans la vie conjugale. En morale, c'est ce que nous appelons un théorème relatif. Caroline mesure, comme un jockey sur le terrain des courses, le moment où elle pourra distancer son adversaire. Elle s'arrange alors pour être d'une séduction irrésistible pour Adolphe. Sur l'oreiller conjugal, le second acte se termine par des onomatopées qui sont toutes à la paix. Adolphe, de même que les enfants devant une tarte, a promis tout ce que voulait Caroline. Troisième acte. Caroline, extrêmement heureuse, se lève, va consulter son miroir et s'inquiète du déjeuner. Une heure après, quand elle est prête, elle apprend que le déjeuner est servi. Avertissez, monsieur. Madame, monsieur est au petit salon. Que tu n'es ben gentil, mon petit homme, dit-elle en allant au-devant d'Adolphe et reprenant le langage enfantin, câlin de la lune de miel. Et de quoi ? Eh bien, de n'avoir permis que ta Liline monte à Dada. Observation. Pendant la lune de miel, quelques époux très jeunes ont pratiqué des langages que, dans l'Antiquité, Aristote avait déjà classés et définis, voire sa pédagogie. Ainsi donc, on parle en youyou, on parle en lala, on parle en nana, comme les mères et les nourrices parlent aux enfants. C'est là une des raisons secrètes que connaissent les femmes et dont la principale est, selon elles, que l'amour chez les hommes est toujours petit. Où donc as-tu pris cela, ma belle ? Sous ton bonnet ? Comment ? Caroline reste plantée sur ses jambes. Elle ouvre des yeux, agrandis par la surprise. Épileptique en dedans, elle n'ajoute pas un mot. Elle regarde Adolphe. Sous les feux sataniques de ce regard, Adolphe accomplit un quart de conversion vers la salle à manger. Mais il se demande en lui-même s'il ne faut pas laisser Caroline prendre une leçon en recommandant à l'écuyer de la dégoûter de l'équitation par la dureté de l'enseignement. Rien de terrible comme une comédienne qui compte sur un succès et qui fait four. En argot de coulisses, faire four, c'est ne voir personne dans la salle, ni recueillir aucun applaudissement, c'est beaucoup de peine prise pour rien, c'est l'insuccès à son apogée. Cette petite misère, elle est très petite, se reproduit de mille manières dans la vie conjugale quand la lune de miel est finie et que les femmes n'ont pas une fortune à elles. Les marrons du feu. On ne sait pas combien il y a de nuances dans le malheur. Cela dépend des caractères, de la force des imaginations, de la puissance des nerfs. S'il est impossible de saisir ces nuances si variables, on peut du moins indiquer les couleurs tranchées, les principaux accidents. L'auteur a donc réservé cette petite misère pour la dernière, car c'est la seule qui soit comique dans le malheur. Caroline a son affaire Chaumontel. Elle sait susciter à son mari des sorties imprévues. Elle a fini par s'entendre avec Madame de Fichetaminel. Dans tous les ménages, dans un temps donné, les madames de Fichetaminel deviennent la providence des Carolines. À elles deux, Caroline et madame de Fichetaminel inventent des occupations au cher Adolphe quand ni madame de Fichetaminel ni Caroline ne veulent de ce demi-dieu dans leur pénate. Madame de Fichetaminel et Caroline, devenues par les soins de Madame Foulepointe, les meilleures amies du monde, ont fini même par connaître et employer cette franc-maçonnerie féminine dont les rites ne s'apprennent dans aucune initiation. Et si Caroline écrit la veille à Madame de Fichetaminel ce petit billet... « Mon ange, vous verrez vraisemblablement demain Adolphe. Ne me le gardez pas trop longtemps, car je compte aller au bois avec lui sur les 4 heures. » Mais si vous teniez beaucoup à l'y conduire, je l'y reprendrai. Vous devriez bien m'apprendre vos secrets d'amuser ainsi les gens ennuyés. Madame de Fichetaminel se dit... Bien, j'aurai ce garçon-là sur les bras depuis midi jusqu'à 5 heures. Axiome. Les hommes ne devinent pas toujours ce que signifie chez une femme une demande positive. Mais une autre femme ne s'y trompe jamais. Elle fait le contraire. Un jour, Caroline a pris les plus minutieuses précautions. Elle écrit la veille à Madame Foulepointe d'aller à Saint-Maur avec Adolphe pour examiner une propriété quelconque à vendre. Adolphe ira déjeuner chez elle. Elle habille Adolphe, elle le lutine sur le soin qu'il met à sa toilette et lui fait des questions saugrenues sur Madame Foulepointe. Elle est gentille et je la crois bien ennuyée de Charles. Tu finiras par l'inscrire sur ton catalogue, vieux Don Juan. Mais tu n'auras plus besoin de la faire chez Montel. Je ne suis plus jalouse. Tu as ton passeport. Aimes-tu mieux cela que d'être adorée? Monstre, vois combien je suis gentille. Dès que monsieur est parti, Caroline, qui la veille a pris soin d'écrire à Ferdinand de venir déjeuner, fait une toilette que, dans ce charmant XVIIIe siècle, si calomnié par les républicains, les humanitaires et les sots, les femmes de qualité nommaient leur habit de combat. Caroline a tout prévu. L'amour est le premier valet de chambre du monde. Aussi, la table est-elle mise avec une coquetterie diabolique. Tout est prêt. Caroline, elle, est prête de la veille. Elle contemple son ouvrage. Justine soupire et arrange les meubles. Caroline ôte quelques feuilles jaunies aux fleurs des jardinières. Une femme déguise alors ce qu'il faut appeler les piaffements du cœur par ses occupations niaises où les doigts ont la puissance des tenailles, où les ongles roses brûlent et où ce cri muet râpe le gosier. Il ne vient pas. Quel coup de poignard que ce mot de Justine. Madame, une lettre. Une lettre au lieu d'un Ferdinand. Comment se décachait-elle? Que de siècles de vie épuisés en la dépliant. Les femmes savent cela. Quant aux hommes, quand ils ont de ces rages, ils assassinent leurs jabots. Justine! Monsieur Ferdinand est malade. Envoyez chercher une voiture. Au moment où Justine descend l'escalier, Adolphe monte. Pauvre madame, il n'y a sans doute plus besoin de voiture. Ah, ça, d'où viens-tu? Il devine ce dont il s'agit en retrouvant écrites sur la nappe les charmantes idées que soit Madame de Fichetaminel, soit le syndic de l'affaire Chaumontel lui dessine sur d'autres tables non moins élégantes. Qui donc attends-tu? Et qui donc? Ce ne peut être que Ferdinand. Il se fait attendre. Il est malade. Pauvre garçon. Une idée drôlatique passe par la tête d'Adolphe et il répond en clignant d'un œil seulement. Je viens de le voir. Où? Devant le café de Paris, avec des amis. Bon, mais pourquoi reviens-tu? Répond Caroline, qui veut déguiser une rage homicide. Madame Foulepointe, que tu disais ennuyée de Charles, est depuis hier matin avec lui à Ville-d'Avray. Et monsieur Foulepointe? Il a fait un petit voyage d'agrément pour une nouvelle affaire Chaumontel. Une jolie petite difficulté qui lui est survenue, mais il en viendra sans doute à bout. Adolphe s'est assis en disant... Ça se trouve bien. J'ai l'appétit de deux loups. Caroline s'attable en examinant Adolphe à la dérobée. Elle pleure en dedans. Comme tu t'es faite jolie ce matin. Tu es bien la femme de ton déjeuner. Ferdinand ne déjeunera certes pas si bien que moi. Etc. Adolphe manie si bien la plaisanterie qu'il inspire à sa femme l'idée de punir Ferdinand. Adolphe, qui se donne pour avoir l'appétit de deux loups, fait oublier à Caroline qu'il y a pour elle une citadine à la porte. La portière de Ferdinand vient dire à Caroline que monsieur Ferdinand a bien besoin de quelqu'un. Il est ivre? Il s'est battu ce matin, madame. Caroline tombe évanouie, se relève et court chez Ferdinand en dévouant Adolphe aux dieux infernaux. Quand les femmes sont les victimes de ces petites combinaisons aussi spirituelles que les leurs, Elle s'écrie alors : les hommes sont d'affreux monstres. Ultima ratio. Voici notre dernière observation. Aussi bien ce feuilleton commence-t-il à vous paraître fatigant, autant que le sujet lui-même si vous êtes marié. Cette œuvre, qui, selon l'auteur, est à la physiologie du mariage, ce que l'histoire est à la philosophie, ce qu'elle fait à la théorie, a eu sa logique, comme la vie prise en grand à la sienne. Et voici quelle est cette logique fatale, terrible. Au moment où s'arrête la première partie de ce feuilleton plein de plaisanteries sérieuses, Adolphe est arrivé, vous avez dû vous en apercevoir, à une indifférence complète en matière matrimoniale. Il a lu des romans dont les auteurs conseillent aux maris gênants tantôt de s'embarquer pour l'autre monde, tantôt de bien vivre avec les pères de leurs enfants, de les choyer, de les adorer. Car si la littérature est l'image des mœurs, il faudrait admettre que les mœurs reconnaissent les défauts signalés par la physiologie du mariage dans cette institution fondamentale. Plus d'un grand talent a porté des coups terribles à cette base sociale sans l'ébranler. Adolphe a surtout beaucoup trop lu sa femme, et il déguise son indifférence sous ce mot profond, l'indulgence. Il est indulgent pour Caroline. Il ne voit plus en elle que la mère de ses enfants, un bon compagnon, un ami sûr, un frère. Au moment où finissent ici les petites misères de la femme, Caroline, beaucoup plus habile, est arrivée à pratiquer cette profitable indulgence, mais elle ne renonce pas à son cher Adolphe. Il est dans la nature de la femme de ne rien abandonner de ses droits. Toute la différence de la situation d'Adolphe et de Caroline existe donc en ceci, que si monsieur ne se soucie plus de madame, elle conserve le droit de se soucier de monsieur. Maintenant, écoutons ce qu'on nomme le « qu'en dira-t-on », objet de la conclusion de ce feuilleton. Commentaire où l'on explique la felicità des finales. Qui n'a pas entendu dans sa vie un opéra italien quelconque? Vous avez dû dès lors remarquer l'abus musical du mot « felicità » prodigué par le poète et par les chœurs à l'heure où tout le monde s'élance hors de sa loge ou quitte sa stalle. Affreuse image de la vie. On en sort au moment où l'on entend la felicità. Eh bien, dans tous les états de la vie, on arrive à un moment où la plaisanterie est finie, où le tour est fait, où l'on peut prendre son parti, où chacun chante la felicità de son côté. Après avoir passé par tous les duos, les solos, les strette, les coda, les nocturnes, les phases que ces quelques scènes prises dans l'océan de la vie conjugale vous indiquent et qui sont des thèmes dont les variations auront été devinées par les gens d'esprit tout aussi bien que par les niais, en fait de souffrance nous sommes tous égaux, la plupart des ménages arrivent dans un temps donné au cœur final que voici. Ma chère, je suis la femme la plus heureuse de la terre. Adolphe est bien le modèle des maris. Bon, pas très cassier, complaisant, n'est-ce pas, Ferdinand? Caroline s'adresse au cousin d'Adolphe. Jeune homme doué d'une admiration profonde, muette, attentive pour Caroline. Adolphe est si heureux d'avoir une femme comme vous. Que lui manque-t-il? Rien. Dans les commencements, nous étions toujours à nous contrarier. Mais maintenant, nous nous entendons à merveille. Adolphe ne fait plus que ce qui lui plaît, je ne lui demande plus ni où il va, ni ce qu'il a vu. L'indulgence, ma chère amie, là est le grand secret du bonheur. Vous en êtes encore au petit taquinage, aux brouilles, aux coups d'épingle. À quoi cela sert-il? Notre vie à nous autres femmes est bien courte. Qu'avons-nous? 10 belles années? Pourquoi les meubles d'ennui? J'étais comme vous. Mais un beau jour, j'ai connu Madame Foulepointe, une femme charmante, qui m'a éclairée et m'a enseigné la manière de rendre un homme heureux. Depuis, Adolphe a changé du tout au tout. Il est devenu ravissant. Il est le premier à me dire, avec inquiétude, avec effroi même, quand je vais au spectacle et que 7 heures nous trouvent seuls ici, Ferdinand va venir te prendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Ferdinand? Nous sommes les meilleurs cousins du monde. Oh, en viendrai-je donc là? Oh, vous êtes bien jolie, madame. Et rien ne vous sera plus facile. Eh, bien, adieu, ma petite. Ferdinand, vous me paierez ce mot-là. Mon cher. Dit Adolphe à monsieur de Fichtaminel sur le boulevard italien. Vous en êtes encore à croire que le mariage est basé sur la passion. Les femmes peuvent, à la rigueur, aimer un seul homme. Mais nous autres. Mon Dieu, la société ne peut pas dompter la nature. Tenez le mieux en ménage et d'avoir l'un pour l'autre une indulgence plénière, à la condition de garder les apparences. Je suis le mari le plus heureux du monde. Caroline est une amie dévouée, elle me sacrifierait tout, jusqu'à mon cousin Ferdinand s'il le fallait. Ben oui, vous riez. Elle est prête à tout faire pour moi. Vous, vous vous entortillez encore dans les ébouriffantes idées de dignité, d'honneur, de vertu, d'ordre social. La vie ne se recommence pas. Il faut la bourrer de plaisir. Et voici 2 ans qu'il ne s'est dit entre Caroline et moi le moindre petit mot aigre. J'ai dans Caroline un camarade avec qui je puis tout dire et qui saurait me consoler dans les grandes circonstances. Il n'y a pas entre nous la moindre tromperie et nous savons à quoi nous en tenir. Nous avons ainsi changé nos devoirs en plaisir. Nous sommes souvent plus heureux alors que dans cette fadasse saison appelée la lune de miel. Elle me dit quelquefois... Non, je suis grognon, laisse-moi, va-t'en. L'orage tombe sur mon cousin. Caroline ne prend plus ses airs de victime et dit du bien de moi à l'univers entier. Enfin, elle est heureuse de mes plaisirs. Et comme c'est une très honnête femme, elle est de la plus grande délicatesse dans l'emploi de notre fortune. Ma maison est bien tenue, ma femme me laisse la disposition de ma réserve sans aucun contrôle. Et voilà, nous avons mis de l'huile dans les rouages. Vous y mettez des cailloux, mon cher Fichtaminel. Dans un salon au milieu d'un bal, le cœur. Madame Caroline est une Madame femme charmante. Madame Caroline, charmante. Une femme. Caroline est une femme charmante. Une femme à turban. Oui, pleine de convenance, de dignité. Une femme qui a 7 enfants. Oh, elle a su prendre son mari. Un ami de Ferdinand. Mais elle aime beaucoup son mari. Adolphe est d'ailleurs un homme très distingué, plein d'expérience. Une amie de Madame de Fichtaminel. Il adore sa femme. Chez eux, point de gêne. Tout le monde s'y amuse. Monsieur Foulepointe. Oui, c'est une maison fort agréable. Une femme dont on dit beaucoup de mal. Caroline est bonne, obligeante. Elle ne dit du mal de personne. Une danseuse qui revient à sa place. Vous souvenez-vous comme elle était ennuyeuse dans le temps où elle connaissait les Deschards? Madame de Fichtaminel. Oh, elle et son mari, 2 fagots d'épines, des querelles continuelles. Une femme de 40 ans, sans emploi. Monsieur Adolphe a l'air aussi heureux que sa femme. La jeune personne. Quel joli jeune homme que Monsieur Ferdinand. Une dame très décolletée, sotto voce. Ma chère, tenez, la morale de tout cela, c'est qu'il n'y a d'heureux que les ménages à 4. Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie Française. Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern et Catherine Sauval, Sylvia Berger, Alexandre Pavlov, Jérôme Pouli, Elsa Lepoivre, Christian Gonon, Julie Sicard, Loïc Corbery, Serge Bagdassarian, Hervé Pierre, Sulian Brahim, Félicien Jutner, Adeline Dermy, Pauline Méreuse. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.